ce que tu fais, tout ce que tu dis, pas tout. Je sais que je bouffe du poulpe trois fois par jour, et ces putains de poulpes me sortent par les oreilles maintenant. J'ai des putains de connasphalus, comme les pieds passent au travers. Qu'est-ce que tu dis de ça? Toi, tu es mieux que je laisse dans l'île à rien foutre. Hein? Ne me prends pas pour un voyou, mec. Je suis pas une pute qui vole. T-Max, au quart de tour, je veux plus rien de toi. Vas-y, garde tout, ouais, j'gamberge. Je suis loin de tout, l'argent ça vient, ça part, un peu comme tout. Les petits me croisent, me disent, je veux faire comme toi. Je leur dis, tu sais, dans ce monde, faut avoir un cœur en bois. Un mental de fer et beaucoup croire en soi. Tu sais, je suis pas un enfant, mais je dis vrai quand je bois. Sexe, drogue, monnaie, alcool. Braquage, poursuite, pas de bol. Esquive les vite la jolle, la juge, la cellule, le pactage, oui, elle folle. Et au check, y'a pas, y'a le shit, la feuille, c'est chargé une folle, mais elle fait que la fouille. Il te demande ton nom, faut pas que tu bafouilles. Et demande à boy, quand je fais ça, il s'accogne. Eh ouais, cognon, je crois qu'on est d'accord. Monte deux fois, deux doigts, deux semaines, la corde. Tous la famille, ouais, tous la famille. Tu me verras masqué derrière ta porte. Je te barrer au péage, je suis nerveux et je dérape. Parce qu'ici y'a que des acteurs comme au théâtre. Ouais, je vis pas dans l'idéal. Je fais comme je veux, comme je peux, comme je écoute ça, ça fait des blocs idéal. Ouais, je veux les euros qui n'en veulent pas. Oh, je fais pas le héros, je me la pète pas. Ouais, tu me prends pour un verrou, mais on verra. Je sais qui rira le dernier, ne t'inquiète pas. Je vais mourir, c'est sûr, c'est certain. Je vais me faire désolé si je parle plus à certains. Je préfère m'isoler, picoler, rigoler, pas de ma life. Je fais des gros pétards de peu quand je couche la night. Oh oui, tout va mal. Oh oui, tout va mal. Oh oui, tout va mal. Oh oui, tout va mal. Trap, décale, je suis trop vite, s'étale. Mon cœur c'est une fleur, il me reste qu'une pétale. J'ai branché une liste, c'était un pétard. J'étais en port, je suis revenu la voir à un PK. Les gens s'affolent, comme je fuck l'état. Parano, je dors avec ma beuh, mon Beretta. Je suis tout seul, et ouais, ça faut qu'ils sachent. Bientôt je vais sortir avec un péril, une stache. Avenir gâché, si je les écoute, si je les écoute, le temps s'écoule. Tu peux prendre mon flow, y'aura qu'un joule. Celui qui perd sans sachant tout faire, eh ben ses couilles. Perdre une tête, ça se joue à une patate. À une patate, à une patate, à une patate.